quoi. Une étoile de mer. Et voyons les autres étoiles dans le ciel. Se disait, mais putain, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Sur terre, ou bien même dans la mer, qu'est-ce que je fais là? Les autres sont là-bas, moi je suis là. Moi je suis la seule. Seule là, et les autres sont là-bas. Moi je suis la seule là, et les autres sont là-bas. Moi je suis la seule ici-bas, et les autres sont là-bas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'elle dise comme ça, qu'elle dise comme ça. Mais qu'est-ce que je dois faire ici? Avec les autres là-bas, là-haut, là-haut, là-haut, là-haut, là-bas. Oh, baby, baby, qu'est-ce que je dois faire? Oh, plus être là par terre. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Pour ne plus être là par terre. Malheureusement, je suis capote, capote, capote. Je suis là, malheureusement, là, les autres sont là-bas. Moi, je suis là, les autres sont là-bas. Qu'est-ce que je dois faire, mon Dieu, mon... Qu'est-ce que je dois faire, les autres sont là-bas. Moi, je suis là, et qu'est-ce que je dois faire sur terre pour remonter là-bas? Et même dans la mer, qu'est-ce que tu veux? Fasse là-bas. L'étoile de mer finit par qui finit par terre. L'étoile de mer, terre qui finit par terre. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Bop, bop, bop.